boss, mon frère. Qui est le boss? Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est la boss, ma sœur. Qui est la boss? Montre-leur qui est la boss. Montre-leur qui est le boss. Qui est le boss, mon frère? Qui est le boss? Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est la boss, ma sœur. Qui est la boss? Montre-leur qui est la boss. Montre-leur qui est le boss. Qui veut me déclasser? Dis-moi, dis-moi qui veut test. Qui veut me déplacer? Dis-moi, dis-moi que je te blesse. Viens dans ma cabessa, tu verras que c'est pas facile. Tu vas tellement perdre la tête, tu vas finir à l'asile. On te vise même si t'es sombre, le 9-0 c'est mon ombre. Trop de speed dans le rap, j'ai même devant c'est mon ombre. Tu veux pas te faire fumer, te mets pas face à ma cible. Jusqu'au dernier souffle de ma île, je représenterai ma ville. Un jour tu seras ton apogée, eux seront à l'arrêt. Et là tu seras le même piste qui leur pisse à l'arrêt. C'est pas gagné d'avance pour vous, mettez-vous de déco. Dans le quartier on serre les dents, même ceux qui ont pas de chicot. Tellement de putes qu'on se demande où sont les mecs. Tellement de nouveaux dans le rap, on se demande où sont les maîtres. Nous on est là depuis des kilos, kilomètres. Et si ton pote aime nos sons, dis-lui, dis-lui qui le mette. Qui est le boss, mon frère? Qui est le boss? Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est la boss, ma sœur. Qui est la boss? Montre-leur qui est la boss. Montre-leur qui est le boss. Qui est le boss, mon frère? Qui est le boss? Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est la boss, ma sœur. Qui est la boss? Montre-leur qui est la boss. Montre-leur qui est le boss. Parce que je sais qu'aucun monde a des couches. C'est pas à toi qu'on sourit, mais tes lunettes Gucci. Personne nous achète, nous remballe tes converses. C'est le seum qu'on verse dans le camp adverse. Montre un peu du jote, surtout lorsque ça chuchote. Boycotte les jaloux, mais surtout évite les menottes. Reste dans ton coin et évite les coups bas. Sur le banc des accusés, y'a 10 innocents pour un coupable. Mec, t'as pas de 10Q5, mais putain, t'as un taf. Une meuf bien avec un cul et des purs seins. MC sans stylo, dis que j'ai compte pas de toi. Style emprunté, chanteuse compte pas de foi. Mais montre que s'ils mentent, toi t'as la vertu. On détruit la planète, mais dans tes poumons y'a de la verdure. Marche droit, même si pour le moment c'est bof. La paix va ceux qui pensent, donc montre-leur qui est le boss. Qui est le boss, mon frère? Qui est le boss? Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est la boss, ma sœur. Qui est la boss? Montre-leur qui est la boss. Montre-leur qui est le boss. Qui est le boss, mon frère? Qui est le boss? Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est la boss, ma sœur. Qui est la boss? Montre-leur qui est la boss. Montre-leur qui est le boss. Si tu fais du rap, accroche-toi, crois en toi. Parce qu'à une époque, mon frère, on était tous comme toi. Mais reste simple, même si gangster est à la mode. 2-3 CD ne valent pas une place à la morgue. Sois sérieux, cherche pas la gloire de trop près. Car RAP ou pas, faut toujours viser le progrès. Montre-leur qu'on peut rester droit, qu'on peut être devant un gros chèque et rester froid. Parce que rendre fier sa mère est mieux que rendre fier son banquier. L'important n'est pas d'arriver premier, mais d'arriver entier. Sois fier de ce que tu es, sois fier de ce que tu as. Car ceux qui ont tout généralement n'en profitent pas. 1000 ennemis plutôt que 1000 amis. Tu l'as dit, j'aurai jamais la vie de rêve à Miami. Mon cœur se vit comme un Uzi à Marseille. Kilo en main, je me touche le bonheur en triple XL, en million de pixels. Qui est le boss, mon frère? Qui est le boss? Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est la boss, ma sœur. Qui est la boss? Montre-leur qui est la boss. Montre-leur qui est le boss. Qui est le boss, mon frère? Qui est le boss? Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est le boss. Montre-leur qui est la boss, ma sœur. Qui est la boss? Montre-leur qui est la boss. Montre-leur qui est le boss. Shot production.